Monsieur Ascaris, la promenade des pins, l'arabe et son coursier. Après avoir battu au hasard les rues de la ville, je songeais à remettre une lettre de recommandation qui m'avait été donnée à Marseille par Monsieur M., négociant grec, pour un de ses parents établi à Beyrouth. Trouver ce parent n'était pas chose facile. Il me fallut aller à une demi-lieue de la ville, au milieu des jardins étagés sur la colline. Une servante, coiffée de ses longs cheveux, qui tombaient en tresses noires sur ses épaules, m'introduisit près de son maître. Comme mon projet était de pousser mon voyage jusqu'à Damas et Baalbek, en passant par les cèdres, après les premiers compliments, j'en parlai à M. Lascaris. « Tenez-vous à votre bourse, me dit-il, assurément. À votre vie, considérablement. » Cette fois, le cri partait du cœur. « Eh bien, croyez-moi, reprit M. Lascaris, bornez votre voyage aux cèdres. Les mutualistes sont en ce moment en délicatesse avec les maronites. Il règne un peu d'effervescence autour de Damas. Vous connaissez le proverbe « Chami, Choumi », damasquin méchant. Entre qualité de chrétien sans une escorte nombreuse, vous pourriez vous attirer de graves désagréments, dont le moindre serait la perte de votre bagage. En attendant, puisqu'on n'est à Beyrouth que depuis quelques heures, permettez-moi de vous y servir de guide, et je tâcherai de faire en sorte que vous ne regrettiez pas trop votre séjour parmi nous. » L'offre était engageante, et puisque je ne pouvais réaliser mon projet, du moins en son entier, je résolus de mettre à profit la complaisance de M. Lascaris, qui s'instituait mon cicérone avec tant de courtoisie. « Puisque vous acceptez, me dit M. Lascaris, venez me prendre à 7 heures, nous irons voir la promenade des pins, c'est notre Prado. Vous y contemplerez nos beautés européennes, et de plus un fort beau cheval qu'un Anglais de mes amis doit acheter à un Arabe, après avoir usé de plus de diplomatie, pour le décider à cette vente qu'il ne s'en dépense en un an pour maintenir ou ébranler l'équilibre européen. » Je pris congé, et j'allai esquisser quelques costumes. Je me dirigeai ensuite vers une table d'hôtes cosmopolite où je pris un assez bon repas. Je me préparais à me rendre chez M. Lascaris lorsque mon nom, prononcé à haute voix dans la cour, me fit mettre à la fenêtre, et j'eus l'agréable surprise de voir M. Lascaris lui-même et son Anglais, tous deux à cheval, et m'attendant avec une troisième monture en main. Quelques minutes après, nous étions aux portes de la ville, et bientôt vers la mer, que côtoie une belle avenue plantée jadis par les ordres de l'émir Fakhr el-Din pour servir de barrière contre le souffle brûlant du Simoun. Elle est bordée de cafés où les habitants vont respirer la brise en humant le moka brûlant ou dégustant d'excellentes limonades glacées. On y rencontre surtout la population européenne de la ville, puis quelques femmes arabes, le visage voilé, aux longs cheveux chargés de sequins, ou enfin des dames du Liban, la tête ornée du tantoura, qui de loin les fait ressembler à de gracieuses licornes. Les hommes fument à la porte des cafés le chibouk ou l'éternel chuchet. Telle est la vie monotone de l'Orient, sans plaisir varié, mais exempte de chagrin réel, sobre, contemplative, où l'homme n'a qu'à prendre la peine de vivre. En Occident, la vie est un travail, en Orient, un repos. Au lieu du rendez-vous, l'arabe nous attendait, assis à côté de son cheval qui paissait en liberté. C'était un des plus nobles animaux du désert. « La salam alaik, je te salue, » dit-il gravement à l'Anglais. « Quel est le prix de ton cheval ?» demanda celui-ci par l'intermédiaire de M. Lascaris. « Dieu seul le sait, » dit l'arabe. « Jette sur ce manteau le prix que tu en offres. » 30 000 piastres tombèrent aux pieds de l'arabe impassible, puis 10 000, et 10 000 encore. Les yeux du vendeur s'allumèrent à la vue de ce trésor. 10 000 autres piastres tombèrent, l'arabe était vaincu. « Allons, » dit-il en s'approchant du cheval, « il faut nous séparer. » L'Anglais préparait avec flegme un licol de soie, l'arabe étouffait. J'étais ému de cette muette douleur. Tout à coup, l'intelligente bête, flairant son nouveau possesseur, fit un brusque écart qui le rapprocha de son maître et poussa un hennissement douloureux. D'un bond, l'enfant du désert fut en selle. « Adieu, » dit-il, « vos trésors ne remplaceraient jamais mon seul ami. » Il disparut dans un tourbillon de poussière aux yeux de l'Anglais stupéfait. « Stupide !» Telle fut l'expression des regrets de l'insulaire. Nous reprîmes en silence le chemin de la ville.